crois. Ami, ami, au canoncé, ma dini n'a qu'à chaloupé. A Guadaga, yo calové, la réunion, yo qu'à chanter. Aujourd'hui, nous commandons. Pas manier, pas manier, et tout à face à face. Regardez tout ça aujourd'hui.